France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le destin tragique de Christine Renon, directrice d'école maternelle à Pantin, en région parisienne. Le 21 septembre 2019, elle met fin à ses jours au sein même de l'établissement où elle enseigne. Son suicide provoque une onde de choc parmi ses collègues enseignants, parmi les enfants, parmi les parents d'élèves. Il ébranle aussi tout le pays. Avant de mourir, Christine Renon a laissé une lettre dans laquelle elle accuse l'éducation nationale et la mairie de l'avoir laissée seule face au monceau de problèmes à régler chaque jour. Sa mort est le révélateur d'une école qui craque de toutes parts. Christine Renon, elle, était de ces enseignants qui marquent les générations d'élèves et de parents. Elle s'est tuée pour l'exemple, pour que change la situation de ses pairs. Mais l'institution a-t-elle compris le message ? Notre invitée aujourd'hui, Marie-Hélène Plard, directrice d'une école maternelle à Lille-Saint-Denis et co-secrétaire départementale pour le 93 du SMIP-FSU, le premier syndicat d'enseignants dans le primaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'aube pointe à peine en ce lundi 23 septembre 2019, quand la gardienne de l'école Méhul de Pantin s'apprête à déverrouiller, comme chaque jour à 6h30, les portes de l'établissement. Sous le large porche qui donne à ce bâtiment typique des années 30, un air de cathédrale de béton, une enveloppe glissée entre les grilles, arrête son geste. Elle y découvre ces mots. « Désolé, merci pour tout, vous avez été formidable. » Et une supplique. La gardienne ne doit pas entrer seule dans l'école, mais appeler les pompiers et l'inspection académique. Quand ils pénètrent dans le vestibule immense, les secours retrouvent le corps sans vie d'une femme. Christine Renon, 58 ans, directrice de l'établissement. Un triste fait divers qu'annonce le soir de ce 23 septembre l'édition Paris-Île-de-France de France 3. Ce drame à l'école Méhul de Pantin, en Seine-Saint-Denis, la directrice de l'établissement a été retrouvée morte tôt ce matin avant l'arrivée des enfants. Un suicide, d'après les premiers éléments de l'enquête. L'établissement est resté fermé. Les 300 élèves ont été accueillis dans un autre lieu. Une cellule d'écoute et de soutien a été mise en place. Immédiatement, les enquêteurs privilégient la thèse du suicide. La directrice se serait précipitée depuis un balcon surplombant l'atrium à 5 mètres au-dessus du sol. Sa mort remonterait au samedi 21, soit deux jours auparavant, selon les conclusions de l'autopsie. À l'appui de cette hypothèse, l'avertissement laissé à l'attention de la gardienne et des lettres adressées à ses proches que la police retrouve, posées en évidence sur une table. L'un de ses courriers porte l'entête de l'Éducation nationale et il est signé Christine Renon, directrice épuisée. Dès le lundi, jour de la découverte du corps, puis le mardi matin, cette même lettre parvient à d'autres destinataires. Les 25 directeurs et directrices des écoles primaires de Pantin, l'inspecteur académique et des syndicats, dont le SMIP-FSU 93, celui auquel Christine Renon était affiliée. Un à un, tous lisent ces mots, couchés sur trois longues pages, et qui expliquent son geste. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Il n'y a que les inspecteurs généraux, les inspectrices générales, qui annoncent en réunion la voix légère que les directeurs ont de très lourdes responsabilités et qu'il vaut mieux être à leur place qu'à la nôtre. Mais comment pense-t-il à améliorer nos conditions d'exercice ? Conditions d'exercice, l'expression est posée. Dans son message, Christine Renon interroge la situation des directeurs d'école. Leur quotidien, constitué de 1000 petits riens, comme elle dit. Mais des petits riens qui instaurent une charge mentale insupportable et qui remplissent les journées jusqu'au débordement. Comme ces 17 chaises manquantes dans l'école, par exemple, pour que tous les enfants puissent s'asseoir et que la mairie a mis 3 ans à fournir après des réclamations répétées. Il faut dire que directrice et directeur forment une espèce d'enseignant à part. À la différence des principaux de collège et des proviseurs de lycée, ils n'exercent aucune autorité hiérarchique sur les autres professeurs. En clair, ils ne sont pas les patrons. Non, leur rôle s'approche plutôt de celui de chef d'orchestre. Entrons dans le détail. Les directeurs et directrices animent l'équipe pédagogique, c'est-à-dire l'ensemble des maîtres et des maîtresses de l'école. Ils veillent à leur coordination et à leur dialogue. Ils mettent au point et en musique le projet éducatif de l'école. Ils ont souvent eux-mêmes des élèves à leur charge. Quand l'école compte au moins 5 classes, ils sont libérés un jour par semaine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec leurs élèves à ce moment-là, mais ils consacrent cette journée à leurs multiples tâches de direction. Les directrices et directeurs sont aussi les représentants de l'école à l'extérieur. C'est avec eux et elles que les mairies, qui s'occupent des bâtiments dans le primaire et des temps périscolaires, cantines, garderies, sont en relation. Pour les parents, dont bien peu, et on comprend, saisissent les subtilités complexes de l'éducation nationale, ils sont l'interlocuteur principal, celui ou celle à qui on vient se plaindre et demander des comptes. Le suicide de Christine Renaud entre en écho avec ce quotidien-là. La souffrance de tous les directeurs, comme Marie, à Toulouse, dont le témoignage passe quelques jours plus tard sur France Inter. Moi, j'en suis au troisième signalement depuis le début de l'année. Quasiment tous les jours, c'est au moins 3 fois par semaine, un enseignant se fait taper, insulter ou menacer de mort ou suivre à son domicile par un élève. On a des parents qui ne s'excusent pas, on a des... C'est que de la gestion de crise, il faut apaiser, dialoguer, mais en plus de ça, il y a la charge administrative, il y a la classe à prendre, il y a l'école à faire tourner, et on est seul, on est très seul. Moi, je suis épuisée, je suis dans un état de stress énorme. Hier encore, il y a eu une agression au portail, j'ai dû m'interposer, j'en tremble encore. On a la boule au ventre quand on vient de travailler, et on est seul quand on arrive au portail. Moi, je n'ai ni secrétaire, ni adjoint, ni CPE. Je dois tout gérer, à la fois le standard, l'accueil, les conflits, l'administratif et la vie de l'école. C'est la première année en 10 ans, c'est ma 10e rentrée, ma 6e en tant que directrice, que je me dis effectivement que même si j'aime vraiment beaucoup mon métier, je ne pourrai pas continuer longtemps. Devoir gérer les problèmes en permanence, même les plus difficiles, les plus glauques. Dans sa lettre, Christine Renaud raconte la goutte d'eau qui l'a anéantie. Je reprends ses mots. C'était un samedi. Ce jour-là, elle aurait dû appeler une famille pour lui dire que son enfant était soupçonné d'avoir mis son doigt dans l'anus d'un autre. La directrice écrit également qu'elle est sûre que cet enfant n'a rien fait. Puis, en lettres capitales, elle écrit « Impossible, je ne peux pas le faire ». C'était le 3e cas d'agression sexuelle entre enfants dont elle avait eu à s'occuper depuis la rentrée. Et Christine Renaud s'est retrouvée démunie, sans inspecteur pour l'épauler, sans un psychologue scolaire pour prendre le relais. C'est une denrée si rare dans le 93, les psychologues. Entre ces lignes douloureuses où la directrice crie son désarroi, la relation avec certains parents d'élèves transparaît, tendue, toujours sur le fil. Mais c'est aux institutions que Christine Renaud réserve ses mots les plus durs. À la mairie de Pantin, d'abord, dont la décision de conserver le mercredi matin de classe à rebours des autres villes du département complique encore plus l'élaboration des emplois du temps. Puis elle pointe l'État, le ministère de l'Éducation nationale. Elle dit « Les enseignants sont les seuls à qui l'employeur ne fournit pas leur outil de travail. Et même avec leur outil personnel, ils ont du mal à travailler. » Et cette mission impossible permanente, faire face aux absences des profs, alors que le département manque cruellement et chroniquement d'effectifs. Bref, des emmerdes à répétition. Et on sait qu'en principe, ils arrivent en escadrille. Alors, rien dans la missive de Christine Renaud ne surprend ses collègues. Oh que non. Ils y voient tellement leur quotidien harassant, dont ils tiennent leur administration responsable. L'une d'elles, Sabine, directrice d'une autre école de Pantin, l'explique au micro des Pieds sur Terre, l'émission de France Culture. Elle envoie cette lettre pour expliquer son geste, parce que je pense qu'elle avait peur que son geste soit passé sous silence, ou en tout cas qu'il ne soit pas interprété par rapport au sens qu'elle lui a donné. C'est d'une extrême violence qui nous renvoie peut-être à une violence institutionnelle à laquelle on s'habitue aussi, parfois, mais aussi le quotidien fait que, voilà, on est là et puis il faut avancer, quoi. On doit y aller. L'institution, elle, ouvre le parapluie. Régulièrement, les profs reprochent à l'éducation nationale d'instituer en mot d'ordre le pas de vague. Le suicide de Christine Renon ne fait pas exception. Pas de vague. Mercredi 25 septembre, deux jours après la découverte du corps de la directrice de l'école Méhul, l'inspecteur convie tous les directeurs et directrices de Pantin à une réunion avec le directeur académique des services départementaux de la Seine-Saint-Denis, le TASEN, autrement dit le représentant du recteur et donc du ministère dans ce département 93. Celui-ci montre d'abord de la compassion pour les collègues de Christine Renon et les assure du soutien de l'éducation nationale. Mais rapidement, la réunion prend un autre tour. Les directeurs de Pantin sont interrogés sur la lettre de leurs collègues. L'ont-ils tous reçue ? En arguant des nécessités d'une enquête, l'institution leur demande de la remettre sans tarder à la police et surtout, sans la divulguer. La main d'œuvre est grosse. Le soir même de ce mercredi 25 septembre, des copies des derniers mots de Christine Renon tournent sur les réseaux sociaux. Le pas de vague ne risque pas de prendre. La solitude de la directrice de Pantin, sa décision tragique, provoque au contraire un tsunami de réactions. À cette réunion encore, les fonctionnaires de l'éducation nationale enjoignent aux enseignants de ne pas organiser de rassemblement pour saluer la mémoire de Christine, comme ils l'avaient prévu pour le lendemain. Prétexte invoqué, la famille de la disparue pourrait se retourner juridiquement contre l'institution. Les profs demandent alors que contact soit pris avec la famille. Ce ne sera jamais fait. Et c'est hors de la voie hiérarchique que le frère de Christine Renon sera averti des manifestations à venir, contre lesquelles il ne marquera jamais d'opposition, tout comme il autorise la divulgation de la lettre de sa sœur. Le soir du jeudi 26 septembre, des centaines de profs, de parents, d'enfants, d'anonymes de Pantin ou d'ailleurs se réunissent devant les grilles de l'école Méhul. Ils pleurent ensemble une figure de la ville et de leur vie. Moi, j'étais à VS, j'ai travaillé 5 ans avec elle. Je suis partie au début juillet et voilà. Et là, maintenant, je travaille à Charleroi, mais bon, c'est une personne que j'oublierai jamais. Elle a fait beaucoup pour moi. Donc je lui serai éternellement reconnaissante. Et aujourd'hui, c'est comme si j'avais perdu ma mère une deuxième fois. Voilà, l'école pour moi, maintenant, c'est plus rien du tout. Elle n'a plus aucun sens, cette école. C'est le pilier de cette école est parti. Pour moi, c'est terminé. Méhul, c'est fini. C'est ma Christine, c'est ma Kiki. Elle a fait beaucoup pour moi. Même en aparté, elle m'a aidée, elle m'a remonté le moral. Alors elle était là, elle écoutait toujours quand elle nous voyait. Chantal, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Ça va pas ? Ma petite Chantal, elle m'appelait parce que je suis pas grande. C'était une deuxième maman. Plus loin dans la foule, le même soir, la mère d'un élève dira : elle a laissé beaucoup d'orphelins derrière elle. Parce que Christine Renon, c'est 20 ans au service des enfants de Pantin. Et les mêmes adjectifs reviennent dans toutes les bouches. Dévoué, investi, solaire. Célibataire et sans enfant, elle avait deux amours, racontent ses amis, ses neveux et son école. Tous les matins à son poste, à la grille de Méhul, cette brune un peu ronde accueillait les élèves d'un large sourire, sa sempiternelle veste polaire sur le dos et ses lunettes rondes sur le nez, houspillant les parents en retard. Christine Renon, c'était l'instit qui fait l'unanimité. Pour elle, les enfants passaient avant tout. Souvent, quand un enseignant était absent et qu'il n'était pas remplacé, situation banale dans le 9-3, elle se refusait à répartir ses élèves dans les autres classes, comme c'est l'usage partout. Elle laissait de côté sa charge écrasante de directrice et s'en occupait elle-même. Avec toujours une idée d'activité artistique à leur proposer, peinture ou musique. Dans les portraits que la presse lui consacre, ses proches évoquent aussi son humour. Corrosif parfois. De route temps, mais toujours empreint de bienveillance pour les enfants. À la rentrée 2018, par exemple, elle envoie ce SMS poétique à ses collègues. Les électrons libres arrivent lundi, remplis de l'énergie solaire accumulée pendant les vacances. Alors, à vos voltmètres, il va falloir maîtriser cela, malgré notre ampérage faible. L'ingénieur en chef Blanquer va bien nous mettre au courant des quelques diodes et fusibles qu'il nous a concoctés pendant les vacances. Alors, profitons de ce dernier week-end pour prendre un dernier jus. Car lundi, ils arrivent et ça va faire des étincelles en musique. Quand j'aurai tout navigué sur mon vaisseau fatigué, que j'aurai rompu le mât sous le ciel trop bas, plus rien ne me fera mal. Quand j'aurai couru longtemps après 10 000 printemps, essoufflé, essoufflé sur les mèches allumées, plus rien ne me fera mal. Quand j'aurai mangé de tout, quand j'aurai bu à genoux, que je n'aurai plus faim, plus rien. Aujourd'hui, le suicide de Christine Renon, directrice d'école. France Inter, affaires sensibles. Comment cette femme, que tous décrivent si combative, si généreuse, a-t-elle pu se laisser happer par le désespoir jusqu'au suicide ? Pas elle, se répètent ses proches. Car personne n'a rien vu venir, comme le raconte l'une de ses amies, ex-collègue à la retraite, qui l'accueillait tous les étés en Bretagne. Elle témoigne dans la série de podcasts que Binge Audio a consacrée à Christine Renon. Pour elle, l'école était importante, c'était un peu sa raison de vivre, mais elle avait aussi des tas d'amis autour d'elle, et quand on est allé la voir le vendredi 7 septembre, elle était fatiguée, parce que la rentrée avait été difficile, comme vous le savez. Je lui avais demandé si elle savait où on pouvait trouver des... parce qu'elle avait toujours des t-shirts extraordinaires. Et donc, où elle se faisait faire ses t-shirts, puisque j'avais l'intention d'en faire faire un, et immédiatement, elle a cherché sur Paris plein d'adresses. Enfin, c'était notre Christine, quoi. On ne pouvait absolument pas du tout imaginer ce qu'elle allait faire quelques semaines après, une ou deux semaines après. Effectivement, la personnalité de Christine Renon ne pouvait pas laisser présager de son choix. En tout cas, pour ses proches et ses collègues, il ne peut pas rester sans conséquences. Christine Renon a choisi de mourir pour alerter. C'est un acte par amour de la profession, un acte militant, interprète l'un de ses collègues syndicalistes. Et hors de question de laisser entendre que des problématiques personnelles l'auraient conduite à cette extrémité. Oh, quelques allusions sont bien distillées dans les journaux, comme d'habitude. Christine aurait connu des soucis personnels. Lucide, ses collègues y voient plutôt la patte de la hiérarchie, soucieuse de dédouaner l'éducation nationale. « Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom », dit Christine Renon dans sa lettre. Le 15 octobre, alors que d'autres rassemblements ont été organisés depuis le terrible lundi de septembre, dont une grève très suivie le 3 octobre, 200 directeurs et directrices d'école primaire de Seine-Saint-Denis adressent une lettre ouverte au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Ils exigent la fin de ce qu'ils nomment vos réformes à marche forcée. Oui, les personnels sont oppressés par une institution obsédée par la mesure et le contrôle qui remet constamment en cause le travail des équipes s'il a le malheur de ne pas correspondre aux attentes et préconisations du moment. En d'autres termes, nous sommes traités comme des objets de réforme et non comme des professionnels concepteurs avec une éthique et des valeurs, déplore-t-il. Jusque-là, le ministre était resté silencieux. Sans médiatiser sa venue, il s'était rendu auprès des enseignants de l'école Méhul le jeudi 26 septembre, 3 jours après la découverte du corps de Christine Renon. Puis, le même jour, il publia un tweet, sa première réaction publique. Mes pensées de solidarité et de profonde tristesse pour la directrice de l'école de Pantin et pour la communauté éducative de toute la ville. Le recteur de Créteil est en lien avec les équipes depuis lundi. J'ai missionné l'inspection générale qui est sur place ce matin. Point final, rien de plus. Ce que les collègues de Christine Renon remarquent tout de suite, c'est que le nom de leur collègue ne figure même pas dans ce message de condoléances. Service minimum. Ensuite, silence radio. Le 16 octobre, au lendemain de son interpellation par les 200 directeurs du département 93, il s'exprime enfin dans la matinale de France Inter. Le suicide, c'est un sujet complexe et le sujet philosophique par excellence, comme le disait Camus. Et je pense qu'on a tous intérêt à commenter toujours dignement chaque suicide, quel qu'il soit, qui d'ailleurs renvoie à chaque fois à un cas particulier. Donc il faut parler toujours de ça avec beaucoup de respect et beaucoup de recul. Maintenant qu'il y ait des difficultés dans l'exercice du métier, je suis le premier à le reconnaître, que parfois ça puisse mener à des actes extrêmes, c'est un fait. C'est malheureusement d'ailleurs pas nouveau, c'est arrivé tout au long des dernières décennies, c'est évidemment à éviter autant que possible. Maintenant, notre manière de traiter cela doit être digne, c'est-à-dire qu'on doit regarder, et notamment dans le cas que vous évoquez, regarder ce qui s'est passé, pourquoi, et bien entendu faire tout l'accompagnement nécessaire et le faire dans un esprit constructif. C'est ce que je fais avec les organisations syndicales. Le sujet des directeurs d'école, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, encore une fois, je le considère comme un sujet d'une particulière acuité, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on doit faire des améliorations, je le dis depuis longtemps, et donc on va en faire. Au cours du mois de novembre qui suit, le ministère organise une consultation des directeurs d'école. 30 000 d'entre eux répondent au questionnaire en ligne. Et ils pointent deux missions particulièrement pénibles. D'un côté, les tâches administratives, de l'autre, la sécurisation des établissements. 9 directeurs sur 10 déclarent être régulièrement interrompus pour répondre à une sollicitation liée à leur fonction de direction lorsqu'ils sont en classe. Ils esquissent aussi des pistes d'amélioration. Parmi elles, une décharge plus importante de leurs heures de classe, justement. Ils réclament également une simplification de leur mission et de l'aide pour les tâches administratives. Ces résultats sont rendus publics au premier jour de janvier 2020. Dans la foulée, l'Éducation nationale annonce la tenue de travaux sur la question avec les syndicats. Mais rapidement, à l'école comme dans le reste de la société, la vie courante marque un temps d'arrêt. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. En mars 2020, le ciel nous tombe sur la tête. Le président de la République annonce un train de décision destiné à ralentir la pandémie provoquée par un virus jusque-là inconnu, le coronavirus, comme on appelait cette calamité à l'époque. Les enfants exultent face à ces vacances inopinées. Les parents, eux, désespèrent. Les directeurs d'école ne savent pas encore que s'ouvre pour eux une longue période d'enfer administratif. À partir de ce mois de mars 2020 et jusqu'à la rentrée 2022, le protocole sanitaire mis en œuvre dans les écoles change une cinquantaine de fois. Les directeurs et directrices, tête de pont, sont chargés de sa mise en œuvre, dans une confusion totale. C'est dans la presse qu'ils découvrent au jour le jour les nouvelles décisions du ministère. À cette incertitude permanente s'ajoutent des tâches administratives supplémentaires. Recenser les cas de Covid dans les classes, s'assurer que les parents respectent les règles en matière de tests, parer aux absences en pagaille des enseignants. Un an après la découverte du corps de Christine Renon, en septembre 2020, Marie-Hélène Plard, directrice de maternelle à l'Île-Saint-Denis et co-secrétaire du SNIP 93 témoigne, alors que le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer un nouveau changement de protocole. Depuis le début de cette crise, une situation qui est extrêmement difficile à gérer pour les enseignants et les directeurs d'école, c'est qu'effectivement beaucoup de choses sont médiatiques et on a souvent les informations en même temps, voire après, nos parents d'élèves. Pendant ce temps, alors que le virus envahit l'actualité, les organisations syndicales maintiennent leur pression pour que l'institution ne passe pas le suicide de Christine par pertes et profits. Dans les semaines qui suivent sa mort, les syndicats exigent la tenue d'un comité d'hygiène et de sécurité. Tout début octobre 2019, un CHSCT extraordinaire est donc organisé. L'administration y dévoile une donnée restée inconnue jusque-là, le nombre de suicides recensés au sein de l'éducation nationale. Et c'est la première fois que le ministère communique ce chiffre. En 2018-2019, 58 agents de l'enseignement public se sont donné la mort sur leur lieu de travail, soit plus d'un par semaine. Des données que le ministère s'emploie rapidement à minimiser, soulignant qu'elles correspondent à un taux de 5,85 sur 100 000 personnes, bien en deçà du taux national moyen qui, lui, pointe à 16 pour 100 000. Ce chiffre ne sera jamais actualisé. L'éducation nationale affirme ne pas disposer d'éléments plus récents, donc plus de décomptes circulaient. Au cours de ce comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire, les syndicats obtiennent par ailleurs la reconnaissance des suicides de Christine Renon en accident du travail, voté à l'unanimité, ainsi que l'ouverture d'une enquête administrative. Quelques semaines plus tard, l'administration indique que sa mort est bien imputable au service, comme on dit dans son jargon. Un début de mea culpa ? Pas si simple. Car lorsque cette décision est rendue publique, l'administration du ministère tempère immédiatement sa portée. Selon elle, la découverte du corps sur le lieu de travail entraîne mécaniquement la présomption de culpabilité qu'on impute au service. C'est toujours comme ça. Certains fonctionnaires en profitent pour glisser à la presse qu'il en serait de même en cas d'accident, une chute dans l'escalier, par exemple. Donc, pas de quoi se remettre en question. L'enquête administrative, elle, se conclut en juillet 2021. L'immensité de la tâche du directeur d'école y est bien reconnue. En revanche, la question de moyens supplémentaires pour y faire face est glissée sous le tapis. Et 18 mois après le suicide de Christine Renon, c'est indiscutable, la situation des directeurs et des directrices ne s'est pas améliorée. Sur le plan politique, une réponse s'organise toutefois, avec une idée phare portée par le ministre Blanquer, faire des directeurs les véritables chefs d'établissement. Cette mesure est précisément au cœur d'une proposition de loi portée par une députée de La République En Marche. Dans le Trésor de France Inter, Cécile Rilhac, la parlementaire en question, détaille le contenu de son texte juste avant son adoption définitive par l'Assemblée le 28 septembre 2021. La loi, pour la première fois, va poser un cadre concernant le métier de directeur d'école. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme une fonction à part entière. Aujourd'hui, on dit que un directeur, c'est un enseignant. Avant tout, un enseignant comme les autres. Nous, ce qu'on dit dans cette loi, c'est que non, ce n'est plus un enseignant comme les autres. Il a des responsabilités en plus. Il a des décisions à prendre. Donc voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on crée, on reconnaît qu'il y a un métier, un emploi de direction d'école. La loi Rilhac est promulguée le 21 décembre 2021, malgré l'opposition de la plupart des syndicats d'enseignants dans le primaire qui parlent de fausses solutions. Ce ne sont pas de chefs dont les maîtres et les maîtresses ont besoin, assure-t-il, pas de chefs, mais de reconnaissance et de moyens. Sur ce plan, la situation n'a pas véritablement bougé depuis le suicide de Christine Renon. L'aide administrative et matérielle au directeur, pour les soulager de certaines tâches, était bien inscrite dans la loi. Mais pas comme une obligation, non, comme une possibilité laissée au bon vouloir de l'État et des communes. Bien peu se sont engagés dans cette voie parce que, synonyme de dépenses publiques, les directeurs et directrices restent désespérément seuls face à leurs tâches. Quant à la mesure phare avancée pour répondre au traumatisme de la mort de Christine Renon, cette fameuse autorité fonctionnelle des directeurs sur leurs troupes, elle suscite toujours l'hostilité du terrain et surtout, elle reste en carafe administrative. Depuis décembre 2021, les décrets nécessaires à sa mise en œuvre se font toujours attendre. Ne reste que les mots de Christine Renon, que ses collègues voudraient que personne n'oublie. Je laisse à la cellule de l'éducation nationale le soin de gérer au mieux le mal-être qui va suivre, suite au choix du lieu de ma fin de vie. Je me demande si je ne ferai pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, j'en ai jamais fait. Mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin, et envie de pleurer, et je suis tellement fatiguée. Je remercie les parents d'élèves élus, qui ont toujours été là. Je remercie les parents en général. Je remercie mes collègues directeurs. Je remercie mes collègues pour leur travail avec leur classe particulièrement. Je remercie les enfants qui ont fréquenté et qui fréquentent l'école. Je remercie aussi les nombreux animateurs avec qui nous échangeons des bonjours cordiaux. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Christine Renon, directrice épuisée. She was a toad the day I found her on the road. I gave her water and a rose, and as she stretched, the sun rose. Go, go, go, go away, go away, go away, go. Vous écoutez France Inter. Affaire sensible aujourd'hui, le suicide de Christine Renon. Notre invitée, Marie-Hélène Plard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-secrétaire départementale pour la Seine-Saint-Denis du SNUIP FSU, le premier syndicat d'enseignants dans le primaire. Et vous êtes aussi directrice d'une école maternelle à Lille-Saint-Denis. Vous connaissez bien, j'imagine, Christine Renon, personnellement? Non, pas personnellement. Je la connaissais syndicalement. Voilà, effectivement, c'était une figure de Pantin, une collègue syndiquée qui savait revendiquer et nous trouver quand il y en avait besoin, et surtout quand il s'agissait de défendre son école et dans l'intérêt des élèves. Ce qui a fait que son geste a été d'autant plus marquant. Voilà. Bien sûr. Et vous vous souvenez de sa personnalité? Ça correspond à la façon dont on en a parlé? Une fille solaire, enthousiaste? Ah, tout à fait. On était clairement sur une collègue pétillante, ouais. Voilà, solaire, et qui avait son franc-parler et qui savait se mobiliser quand il en avait besoin. On dit aussi qu'elle avait de l'humour, enfin, voilà, qu'elle aimait la vie, si je puis tout dire, dans ces circonstances. Et le chocolat. Alors, comment expliquez-vous que son geste est profondément marqué, peut-être plus que d'autres suicides d'enseignants, et malgré le Covid qui a fermé la fenêtre à l'extérieur, à l'actualité? C'était vraiment monosujet, on ne parlait que de ça. C'est sa personnalité ou c'est le contexte? Alors, déjà, si vous me permettez, ça va aller dans la réponse. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir programmé cette émission, parce que ça contribue à pas passer sous silence le message que Christine Renon a laissé. Et c'est d'autant plus fort. Donc moi, je suis moi-même enseignante en charge de direction en école maternelle, et il se trouve que la semaine dernière, j'étais convoquée à une formation institutionnelle réservée aux directeurs d'école sur mon département. Et clairement, Christine est encore dans toutes les têtes. Voilà. Assez naturellement, son message, ce qu'elle a lancé, la solitude dont elle a fait part, est revenue, dès la première heure de la réunion. Voilà. Et de la part de très nombreux collègues. Et, je crois que, déjà, le fait de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail n'est jamais anecdotique. Et, il souligne à quel point, à un moment, elle s'est trouvée en souffrance au travail. Et le fait d'avoir pris soin d'écrire à son institution, à ses collègues, à son syndicat, pour expliciter ce geste et pointer à un moment la perte de sens et la perte de confiance, ça a clairement fait écho à ce qu'on vivait tous. Alors certes, les collègues en charge de direction, mais on l'a vu bien au-delà, sur plein de missions, et bien au-delà du département de la Seine-Saint-Denis aussi. Alors, après cette affaire, il y a eu beaucoup de promesses formulées par le ministre de l'Éducation du précédent quinquennat, Jean-Michel Blanquer, lesquelles ont été retenues, les principales? Qu'est-ce que vous retenez parmi ce qui a été retenu? Écoutez, assez peu, beaucoup de promesses, même de promesses que la profession rejetait. Mmh. Ce qu'il en reste? Ces fameuses journées de formation auxquelles j'ai assisté, voilà, on a le droit à 2 jours de formation sur temps de travail par an. Bien organisé, suffisant, 2 jours? Non, pas suffisant, sans doute pas suffisant, bien organisé, les collègues formateurs, font en sorte de faire leur travail du mieux possible et sont engagés dans leur mission, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, est-ce que ça répond aux attentes et aux difficultés réelles du métier? Je ne suis pas sûre. On a vu là se mettre en place des groupes de parole cadrés par la hiérarchie, et puis une légère amélioration des décharges de direction au niveau national, qui pour le coup n'impactait pas du coup la Seine-Saint-Denis. Et puis rien d'autre. Voilà. La souffrance liée à ces 1000 petits riens, comme disait Christine, cette surcharge de travail, le fait de mettre en place un emploi pérenne d'aide administrative, tout ça a été balayé pour proposer et rentrer en force sur cette question du statut des directions d'école. Ah voilà, je s'arrête là-dessus, parce que moi j'ai découvert ça, n'étant pas d'éducation nationale évidemment, j'ai découvert que vous êtes aussi directrice, vous n'avez pas l'autorité officielle sur vos collègues. Alors, vous recherchez peut-être pas l'autorité de pouvoir, n'empêche que ça aide quand même dans l'organisation. En fait, non, on n'en veut pas. Vous n'en avez pas. Parce que, très clairement, en fait, là, vous voulez une autre formule? Qu'est-ce que vous voulez comme formule par rapport à ça? Alors, par rapport à nous, on souhaite avoir plus de temps pour pouvoir faire notre travail, et que, à un moment, on ait un réel allègement des tâches administratives qui nous permet de nous recentrer sur le cœur de notre métier, qui est éducatif, bien sûr. Qui est éducatif, et que l'institution refasse confiance dans ses équipes. Ce qui fonctionne très très bien dans le premier degré, au sein des écoles, et particulièrement sur des territoires fragilisés, c'est justement le fait d'avoir un collectif de travail fort. On l'a vu en avril 2019, et d'ailleurs, les collègues s'étaient extrêmement mobilisés. Il y a un refus de la profession de voir s'installer un statut hiérarchique. Et dans le, vous avez parlé qu'il y avait eu un questionnaire ministériel, et d'ailleurs, la question a été posée. Et les directeurs d'école rejettent massivement ce statut. On ne cherche pas à avoir plus d'autorité. Par contre, l'institution, insidieusement, nous donne de plus en plus de responsabilités, voilà, ouais. Et nous demande de pallier à ses propres manquements. C'est ça D'accord. aussi la réalité. Et donc, quel est l'intérêt d'être directrice ou directeur d'une école? Si on a plus de travail que les autres, plus de soucis que les autres, on gagne plus peut-être? Je ne sais pas, pardonnez-moi, je vous pose des questions indiscrètes, mais enfin, on est dans votre univers, allons-y. On gagne légèrement plus, mais honnêtement, enfin, mais dans l'éducation nationale, on fait rarement ça pour de l'argent. À la base, oui. Ça se saurait, mais elle était très jolie, votre expression dans le récit de chef d'orchestre. Voilà. Ouais, d'être là pour animer pédagogiquement une équipe, pour fédérer, pour ça correspond tout à fait. Et ce que Christine a noté, et là où ça a eu un écho terrible et qui est toujours existant 3 ans et demi après, c'est qu'à un moment, là, on détourne nos missions du cœur de notre métier. On se retrouve effectivement à devoir endosser un certain nombre de responsabilités, de répondre à des commandes qui ne répondent en rien aux besoins, que ce soit de nos élèves ou des enseignants. Et donc, on perd ce sens-là. Donc, ce qui serait idéal dans l'école, c'est qu'il y ait un ou une responsable administratif. C'est ça. Alors, ça serait l'idéal, ça. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'en fait, il y ait ce qui a existé. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui s'est mis en place il y a 6 ou 7 ans maintenant, qui a supprimé. Il y avait, à une époque, des emplois d'aide administrative dans les écoles qui, en réalité, étaient des emplois d'aide au fonctionnement de l'école. Ça a aidé la direction de l'école. Mais c'était bien. Ah mais c'était formidable. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit de véritables emplois pérennes, avec un statut, parce qu'ils avaient une vraie fonction et ils fluidifiaient le fonctionnement de l'école et permettaient justement de se recentrer sur ce qui, pour nous, est l'essentiel de notre métier, c'est-à-dire l'éducatif. Et c'était supprimé quand, vous dites, ces dispositifs? Eh bah, ben, au début de la mandature de Blanquer. Voilà. Est-ce que la situation est pire en Seine-Saint-Denis, histoire de ne pas foncer dans les clichés non plus, qu'ailleurs, finalement? Alors c'est compliqué pour moi de répondre à cette question-là, il faudrait demander à des collègues d'autres départements. Ce qui en fait un département spécifique, c'est qu'on est quand même le plus pauvre de France hexagonale et qu'on accueille massivement une population très fragilisée. Et ce qu'il y a en Seine-Saint-Denis avec un focus particulier, mais qui existe sur d'autres départements, c'est que souvent l'école est le dernier service public accessible dans beaucoup de quartiers. Et donc on y est enseignant, mais on y est aussi beaucoup de choses. Et ça nécessite un engagement particulier. Alors c'est le cas, oui, en Seine-Saint-Denis, mais je pense que c'est le cas aussi ailleurs. Il y a d'autres zones qui rencontrent de grandes difficultés. Ouais. Est-ce que le fait d'être en maternelle génère des difficultés spécifiques ou pas par rapport à une école primaire? On a des questionnements particuliers, la maternelle, mais c'est aussi pour ça que c'est passionnant. Et je pense que, enfin, voilà, on est aussi là pour parler de Christine. Je pense que c'est ce qu'elle aimait, c'est qu'on accueille des enfants qui vont devenir élèves, des parents qui vont devenir parents d'élèves, et c'est aussi un apprentissage réel. Et il y a des enjeux particuliers et il y a des difficultés particulières qui sont souvent liées à l'inclusion scolaire. Je pense en particulier aux élèves handicapés, où là, on a des injonctions très fortes, mais sans nous donner les moyens de le réaliser correctement, et en tout cas en toute bienveillance auprès de ces élèves-là et de leurs familles. C'est toujours la même chose, hein. On vous demande effectivement d'accomplir des missions, et il n'y a pas les moyens, et on retombe toujours sur cette calamité, parce qu'il faut en sortir un jour. On va se retrouver dans 3 minutes, on écoute Grinta Payne, Lose My Mind. Zone, listening to tunes on my phone, getting stoned. If your energy's right, we probably tie it. If not, I'm happy alone. I Don't come out of fear, keep my enemies near. Yeah, the devil's inside you, my dear. Connections I'm feeling, if not, keep it moving. If it ain't genuine, what we doing? I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Please don't try to hide what is rightfully mine from the skies. It's my own mind, I'll decide what resides and divides me inside. I said I got no fear, my only enemy's near. The demons inside you, let's make that real clear. We think that we know things, we got no idea. Only listen when it's easy to hear. I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else, as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles évoque aujourd'hui le suicide de Christine Renon, institutrice et directrice, d'abord directrice d'école, mais qui fait aussi la classe quand elle peut le faire. Marie-Anne Plard, vous êtes dans la même situation, vous êtes co-secrétaire départementale pour la Seine-Saint-Denis du SNUIP FSU. Je rappelle qu'il est le premier syndicat d'enseignants dans le primaire, et vous êtes aussi directrice d'une école maternelle, pour ce qui vous concerne, à Lille-Saint-Denis, toujours en Seine-Saint-Denis. Dans le récit, on a dit des choses qui paraissent un peu surréalistes. Le coup des chaises, par exemple, pour que tous les gamins puissent s'asseoir, qui avait été demandé par Christine Renon 3 ans pour qu'elles arrivent. 3 ans, ça arrive souvent ce genre de choses. Vous avez connu ça vous ? Oui. Enfin, ça peut arriver parce que on est aussi. Ce qui est compliqué, sur la question du manque de moyens, c'est que sur tout ce qui est moyens matériels, etc., on dépend des municipalités et en fait d'une mairie à l'autre. Les mairies ont plus ou moins d'argent, régulent leur budget comme elles peuvent, etc. Et effectivement, on sait que, en tout cas en Seine-Saint-Denis, mais beaucoup de mairies vont être exsangues sur des questions de budget. Et donc, il y a des choses qui vont être extrêmement lentes, alors qu'elles sont totalement justifiées et qui accroissent aussi des différences entre communes de extrêmement importantes. Ça veut dire que certains profs exercent leur métier en utilisant leur matériel personnel, genre ordinateur ou autre, ça arrive aussi ? Oui. Après, c'est pas qu'une question d'ordinateur, mais oui, énormément. Ah, j'ai dit ou autre. Hein. Ou autre. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est un métier où, effectivement, souvent, on mobilise des outils personnels, voilà, quels qu'ils soient, des livres, un paquet de farine, un ordinateur, beaucoup de choses pour que les choses fonctionnent. Parce que c'est aussi, c'est un métier qui a ça de particulier, mais qui sont souvent dans ces métiers où on est dans de l'humain, où il nécessite un engagement important, en particulier auprès de nos élèves, et on fait tout pour que ça fonctionne et que ça marche. C'est aussi pour ça qu'on il y a une absence réelle de reconnaissance. Tout ça est d'une violence, le témoignage d'une directrice parlait de violence institutionnelle qui est de plus en plus profonde et marquée et qui conduit effectivement beaucoup de collègues à on l'espère, à ne pas avoir ces gestes désespérés comme Christine a pu le faire, mais on y assiste, et avec une accélération ces dernières années, à avoir des collègues, parce qu'ils aiment leur métier, se retrouvent contraints à le quitter. Absurde. La situation est absurde, on est d'accord. On est d'accord. Bon. Dans le ras-le-bol extrême exprimé par Christine Renon, il y a aussi la question des profs absents et non remplacés. Alors là, toujours été un problème, ça, mais ça le devient de plus en plus. On en est où à ce niveau-là dans les établissements comme les vôtres? Alors, on y est de façon extrêmement massive parce que c'est totalement exsangue de ce côté-là. On voit bien depuis ces deux dernières années qu'en plus il y a une crise d'attractivité du métier, donc plus personne ne veut être enseignant, et encore plus enseignant dans le premier degré. Donc c'est une vraie difficulté, voilà. Donc ça, c'est non seulement c'est une difficulté au quotidien parce qu'il faut accueillir ses élèves, les gérer, etc., mais c'est aussi ça pose de vraies difficultés par rapport à la construction des apprentissages des élèves. Sur un département comme la Seine-Saint-Denis, on estime qu'à l'échelle d'une scolarité d'enfant, si on accumule les journées d'enseignement non remplacées, ils perdent une année d'école. Donc le projet pédagogique est atteint, quoi. Ah bah tout à fait. Alors, comment est organisée la médecine du travail pour vous? Y a-t-il une prévention organisée autour du risque de suicide, ou est-ce que la question est taboue? Elle l'est un peu moins. Il a fallu qu'il y ait ce drame et ensuite des réunions, mais elle est encore taboue. Comment ça se passe? Est-ce que le corps médical prend ses responsabilités au sein de l'école par rapport à ça? Alors, le problème de la médecine de prévention, c'est qu'elle est quasi inexistante dans l'éducation nationale. Eh bien, donc. Voilà. Donc, et quand bien même il y aurait quelques postes de médecins, ils sont souvent inoccupés. Donc, c'est assez peu pris en compte. On va dire que après ce drame, on a quand même une hiérarchie qui est un tout petit peu plus attentive. Pas forcément toujours bienveillante, mais en tout cas un petit peu plus attentive. Par contre, sur les communications de chiffres, autant ça a permis d'ouvrir la boîte de Pandore et d'avoir enfin des données, mais qui se sont tout de suite refermées. Voilà. Là, le Covid aussi a tout suspendu, et là, on est de nouveau dans un phénomène de circuler, il n'y a rien à voir. Le ministère ne communique pas sur des chiffres plus récents. D'ailleurs, on a avancé des chiffres tout à l'heure, ils étaient controversés. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que vous disposez de votre côté d'une évaluation du nombre de suicides sur les dernières années? Est-ce que vous avez ça? Non, c'est extrêmement difficile à quantifier. Voilà, parce qu'effectivement, le jeu sur les questions des suicides est toujours et c'est le jeu de l'institution de voir la cause personnelle, etc. Donc c'est pour nous, du côté des syndicats, difficile à quantifier. Mais au même titre que c'est difficile parce que le ministère ne communique pas sur les démissions et sur ces questions-là, qui sont aussi un réel problème. Bien sûr. Et les parents, dernière chose, parce que quand ça fonctionne mal, ça énerve les parents, légitimement d'ailleurs. Ils peuvent être compréhensifs, mais aussi énervés. Quel est l'état des rapports avec les parents d'élèves dans les petites classes, comme la vôtre, par exemple? Écoutez, étonnamment, plutôt bon, parce qu'on a quand même des parents d'élèves qui, eux, ont la reconnaissance de l'investissement des enseignants et qui se rendent bien compte qu'à un moment, quand il y a des manques, on n'en est pas responsable. Donc, fort heureusement, dans la très grande majorité des cas, les parents ne se trompent pas de colère. Voilà. Et pas de cible. La formule est jolie. Dernière question. Qu'est-ce qui, malgré toutes ces difficultés, vous rend heureuse dans l'exercice de votre métier? Eh ben, quand je suis dans ma classe et que je ferme la porte, parce qu'en attendant, voilà, quand je suis avec mes élèves, je suis encore libre de ma pédagogie, même si elle est parfois mal jugée par mon institution qui voudrait voir en moi une simple exécutante, ce que je ne suis pas. Bien, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Marie-Hélène Clar. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le suicide de Christine Renon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Roland Mahé.